Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Les mauvais coups, film de François Leterrier avec Simone Signoret dans le rôle de Robert, Reginald Kernan, Milan, Alexandra Stewart, Hélène, José Luis de Villalonga, Prévieux, Serge Rousseau, Duval. Dialogue de Roger Vaillant, musique de Maurice Leroux. Commentaire radiophonique dit par Claude Herval. Milan est un homme de 40 ans. Il est l'un des plus brillants coureurs automobiles de sa génération, mais il s'est provisoirement retiré à la campagne avec sa femme, Roberte, pour écrire ses mémoires. Cette épouse, ils sont mariés depuis 10 ans, a parfaitement conscience que Milan lui échappe, que s'il l'aime encore, certes, il est au bord de la lassitude et de l'indifférence, prélude à l'hostilité et à la haine, peut-être. La conversation entre Robert et Milan est souvent d'un ton acide ou empreinte d'une fausse aménité. Aujourd'hui, ils sont allés à la chasse, tous les deux, près des étangs. Il est beau. Oui, très beau. C'est un jet. Mais c'est pas du gibier. Si, on les mange. Tu es bien visé. Il volait assez haut. Tu tires bien. C'est le mâle. La femelle doit s'inquiéter. C'est vrai que je suis une bonne femme comme dans les chansons réalistes, moi. Oui, une pocharde. Je te retrouverai un jour, place Maubert, assise sur le trottoir avec 2 litres de rouge. Et c'est comme ça que je finirai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vois cet arbre? Oui, alors? Souvent, des ramiers y perchent la nuit. Oh, laisse-moi y aller. Tu me disais, j'ai une nouvelle amie et je vais partir la rejoindre. Moi, je te suppliais de rester et tu partais quand même. Je te déteste. Bien sûr. Et moi, j'ai rêvé pendant des années que j'entrais dans une boîte de nuit. Je t'ai trouvé avec un homme. Tu me disais, voilà mon nouvel amant. Et tu partais avec lui en riant. Ce rêve-là, tu le fais jamais plus, hein? Non. Évidemment. Hey! Merde! Voilà. Il faut savoir ce qu'on fait. Quand on chasse le canard, on ne tire pas le ramier. De vrais chasseurs se moqueraient en nous voyant. Ce sont pas 4 méchants coups de fusil qui ont réveillé tous les canards de la région, non? On ne chasse pas avec sa femme quand on sait qu'elle ne fait rien sérieusement. Quand je fais quelque chose avec toi, je finis toujours par avoir honte de moi. Allez très vite, ce ramier. Bien sûr, les ramiers volent vite. Moi, je sais pourquoi on les appelle des ramiers. Ils rament. Avec leurs grandes ailes. Silencieusement comme les champions. Parce que les canards ne savent pas ramer. Ils font du bruit. Comme des canotteurs du dimanche. Ce ramier est passé comme le vaisseau fantôme. Je t'adore. Moi aussi. Rentrés chez eux, Robert et Milan retrouvent Radiguette, leur domestique, dont le métier consiste surtout à verser du whisky dans le verre de madame quand il est vide. Et il est souvent vide. Après cette longue marche dans la campagne, Robert et son mari s'attendrissent sur le passé, le temps de leur amour fou. Radiguette, elle ne nous prendra jamais au sérieux. Elle connaît toute la vie. Moi aussi. Peut-être. Où tu en es? Le Mans 56. La première fois que je courais sur Jaguar. Et tu racontes comme tu avais peur avant la course? J'essaie. Mais ce n'est pas facile de trouver le mot juste pour décrire ce qu'on éprouve, surtout au moment de prendre le départ. Pourtant, sur là, t'as battu le record du tour. Et c'est drôle. Je n'arrive plus à me remettre dans ma peau de ce moment-là. Je ne vois clairement que la robe que tu portais. Une tache bleue. À gauche de la tribune quand j'abordais la ligne droite. C'était la robe que tu m'avais achetée à Rome. Mm-hmm. Birkendotti. Et pendant que j'essayais, tu as donné un rendez-vous à la vendeuse. Ce sont les petits plaisirs de la vie. Dis donc, tu commences par en avoir un petit peu assez de ce bled. Ici ou ailleurs. Tous ces souvenirs évoqués ne sont pas un bon signe. Robert n'est pas dupe. Mais comment? Comment reprendre Milan, ressusciter en lui la passion d'autrefois? Voici peut-être une occasion. C'est jouer avec le feu sans doute, mais Robert est femme à prendre des risques. Une jeune institutrice de 20 ans, Hélène, vient d'arriver au village voisin. Avant de s'installer, elle loge à l'hôtel auberge du village. C'est là, en prenant un verre, que Robert la rencontre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, tu dois arriver déjà au bistrot? On va devenir copine. J'habite ici. Vous prenez quelque chose? Non, merci. Vous avez des principes? Non, je n'ai pas soif. Et vous avez un joli rire. Jacqueline, mon pastis. Vous avez bien une minute, quoi. Essayez-vous. Je m'ennuie, voyez-vous. Je comprends ça, quand on est habitué aux émotions fortes. Ah, vous êtes déjà au courant? C'est la première chose dont Jacqueline m'a parlé. Qu'est-ce que ça t'a raconté, toi, dis donc? Quand un homme comme Monsieur Milan vient s'installer dans une campagne... Jacqueline! Excusez-moi. Je savais déjà qui était votre mari. Vous vous intéressez aux courses automobiles? Au foyer de l'école Lomma, nous les suivions à la télévision. Je vous ai vu un jour. Ah oui? C'était un jour au Milan où Monsieur Milan avait gagné. Vous pleuriez de joie. J'aurais bien voulu être à votre place. Je voudrais vous y voir. Mais ça ne doit pas être facile de vivre avec un homme comme ça. Non. Moi, je ne saurais pas. Sûrement pas. Salut. Bonsoir. Alors, championne, déjà au poste? Notre vétérinaire, mademoiselle Hélène Morel. Notre nouvelle institutrice. Jacqueline, Ricard. De Ricard. 20 sous le point, comme d'habitude? Non, 40. Faut que je me refasse. Je vous laisse. Quoi, vous jouez pas? Non. Au revoir. Au revoir, madame. Dites. Venez dîner demain soir. Merci. Milan adore la compagnie des jeunes filles. Et le lendemain, en effet, Hélène vient dîner chez Milan. On boit sec. Et l'on parle de même. Oui, je suis sortie de l'école normale famée. Et vous ne nous ennuyez pas au village? Pas encore. Je prépare un nouvel examen. Je vais me spécialiser. Institutrice itinérante. Vous attachez beaucoup de prix à votre indépendance. C'est pour ça que je travaille. Eh bien, moi, quand j'avais ton âge... Je pensais que l'indépendance, c'était justement de ne pas travailler. Vos parents étaient riches. Mes parents? J'ai jamais connu mon père. Et ma mère se faisait entretenir par un ami. Nous passions nos vacances dans son château. 2D. En Écosse. C'était un Anglais, l'ami de ma mère. Cette situation ne vous gênait pas? Oh non! M'apprenait l'anglais et les bonnes manières. Et moi, en échange, je lui enseignais les finesses de l'argot. On était très copains. C'est le jour où ma mère s'est mise dans la tête qu'il fallait que je travaille, je lui ai ri au nez. Et comme elle me menaçait de me couper les vivres, je lui ai dit que j'irais taper oncle. Comme ça que je l'appelais, l'ami de ma mère. Et votre mère a cédé? Oh, il lui a fallu. Elle aurait pu vous chasser? Une mère n'appelle pas la police pour chasser sa fille du domicile. Comment dit-on? Si j'allais dire conjugal. Ça suffit, je ne te cherche pas. Je t'en garderai bien, mon chéri. Vous pensez toujours que votre mère avait tort? Oh, plus jamais. Faire un travail qu'on n'aime pas, c'est aussi répugnant que de coucher avec un homme qui vous dégoûte. Moi, j'aime mon travail. Non, t'es une bombe. C'est pour quand ce nouvel examen? Mais vous qui connaissez Milan depuis 10 ans. C'est pour le mois de mai. Depuis 10 ans. C'est encore pire que si je dépendais de ma mère. Et toi? Moi? Oui, toi. Avec qui couches-tu? Oh, tu as 20 ans. J'espère que tu n'es plus vierge. Robert, tu t'en prie. Mon fiancé et moi, enfin, nous fréquentons. Tu l'aimes? Si je ne l'aimais pas, je ne la fréquenterais pas. Elle est pure. Votre fiancé habite la région? Pour l'instant, il fait son service militaire pas très loin d'ici. Et qu'est-ce qu'il fera ensuite? Il est ingénieur aéronautique. C'est ton premier? Oui. Et tu vas le recevoir à l'auberge? Je suis institutrice. Je ne peux pas me permettre de faire parler. Le fiancé d'Hélène, il s'appelle Duval, est venu rendre visite à la jeune institutrice. C'est dimanche. À l'auberge du pays où la télévision retransmet un match de football, tout le monde se retrouve. Bonjour. Bonsoir. Je vous présente Duval, mon fiancé, Madame Milan. Bonjour, monsieur. Enchanté, madame. Et monsieur Milan. Monsieur. Hélène nous a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous. Vous êtes ingénieur? Pour l'instant, sergent mécanicien. Utilisation des compétences. Cigarette? Merci. Il est beau, hein? Il est gentil, certes. Puis il a l'air sérieux. Il y a 2 ans. Ah oui? Vous prenez quelque chose? Non, merci. Sur les Ferrari? Sur un moteur de voiture, le refroidissement obéit à 2 principes. Là, c'est avec toi ce soir? Il faut qu'il soit à la caserne à 8 heures. Et si on allait à La Roche passer la soirée au casino? Monsieur Milan voudra? Si c'est toi qui le demande. Mais je n'oserai jamais. Et si on allait flamber ce soir? Non. Oh, ben ça ferait plaisir à Hélène de venir avec nous. Où ça? Au casino? J'ai jamais été. Tu ne peux pas, tu n'es pas majeure. C'est ton esprit, c'est ma figure quand même. On demande la carte d'identité. Et puis tu as classe demain, tu vas te coucher tôt. Déjà. Déjà quoi? Marie. Voilà. Quel âge as-tu maintenant? Je suis née en 39. Très bien. 39. 9 et 3, 12. 12, mais c'est un de mes chiffres. Allez, vite! Comme avec les gens. Elle essaie de les posséder à l'influence. Et elle gagne? Au jeu, quelquefois. Le 29. Et avec les gens? Ça, on ne saura pas tant que la dernière boule n'aura pas été jouée. Et vous, quelle est votre méthode? Je sais perdre. 12 rouges, carrément. Quand je perds d'entrée de jeu, je vais boire un verre au bar. Merci. Merci, madame. Tu veux me faire apporter un scotch? Le 6, hein. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Avant vos 32 000 affaires. Qu'est-ce que vous jouez maintenant? Quel est le maximum à la table? 10 000 francs, madame. Alors, le maximum au 12. Il doit être rare que nous le ressorte deux fois de suite, non? Plus on prend de risques. Au jeu, comme en amour. Dans la salle de jeu, voici des amis de Robert et Milan, un couple. Elle s'appelle Michel, lui prévieux. On se présente. Milan. Michel. Ah, je vois que la campagne vous réussit. Hélène Morel, ma nièce. Enchantée, mademoiselle. Robert est en train de jouer. Tu lui as permis. Vous me faites danser. Ne corrompt pas la nièce de Milan. Incorruptible. J'aimerais bien voir Madame Milan. Dans quelle salle est-elle? Venez, je vais vous conduire. Le tiers et finale 3. Le tiers et la finale 3. Finale 6. Le tiers et la finale 3. Le tiers, finale 3. Bonjour. Fini la retraite. Pour un soir. On est habitueuse humeur de Milan, mais personne à Paris ne comprend votre disparition à vous. Moi, avec Milan, pour le meilleur et pour le pire. 32 euros, je perds face. Vous me faites perdre. On ne peut pas obliger une femme comme Roberte à vivre dans une ferme avec les cochons. Mais vous croyez qu'elle soigne les cochons? Vous la connaissez depuis longtemps? Non. Elle était la plus douée pour tout, la plus brillante, la plus belle. La plus folle et la plus vraie. Mais vous la trouvez tellement changée? Milan l'a confisquée. Quand il était triste, elle a bu avec lui. Quand il préparait une course, elle menait une vie de moine. Mais elle l'aime. Quand il allait dans le monde pour rencontrer d'autres femmes, elle était la plus élégante. Maintenant qu'il est devenu un misanthrope, elle ne voit plus personne. Elle le lui reproche assez. Oui, mais elle reste. Mes numéros sont pas sortis. T'as gagné, toi? Non. Tu me donnes un petit peu d'argent? Tu as oublié nos conventions. Mais j'ai tout à me refaire. Non. Robert? Ils sont partis, Michel est prévu. Oui, ils sont repartis. Tenez, je suis sûre qu'avec ça, le bonheur va revenir. Je te les enverrai tout à l'heure. Je l'aime bien. Oui. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Elle flambe. Regardez. Elle flambe. Robert est une flamme. Elle s'allume, elle brûle, elle se consume. Le jeu, l'alcool, l'amour. Le oui sans que prétexte à flamber. Comme vous l'aimez. C'est ce qui m'a tellement fasciné en elle. Robert joue vraiment un jeu curieux et périlleux avec Hélène. Elle comprend que la jeune fille est à la fois un instrument et un danger entre ses mains. Milan indéniablement est attiré par la petite institutrice. S'il ne cède pas à ce penchant, n'est-ce pas tout simplement pour ne pas tomber dans le piège tendu par sa femme? À quelques jours de là, Milan a rencontré Hélène sur la route du village. Il pleut à torrents. C'est deux noyés que Robert accueille. Bonjour. Ah, c'est toi. À t'essuyer, tu vas prendre froid comme ça. Oh, on a pourtant couru, mais la pluie nous a surpris au calvaire. Oui. Tu n'as pas pris ton vélo aujourd'hui? J'ai crevé, juste comme je rencontrais M. Milan. Hélène, reste comme ça. Ça ne te rappelle rien. On avait marché pendant des heures. Tu me parlais de ton métier. Moi, j'osais pas te demander d'aller dans un hôtel. Il pleuvait. Ça t'était bien égal. C'était à Paris. Puis, quand tu as eu fini de t'essuyer les cheveux avec la serviette, je suis allée à la fenêtre. Hélène, je t'en prie. Pourquoi? Je t'en prie, fais-moi ce plaisir. Va jusqu'à la fenêtre. Je suis restée là un bon moment à regarder la scène. Et puis je me suis retournée. Tu étais allongée sur le lit et tu fumais une cigarette. Tu m'as tendu les mains. Et tu m'as prise par les poignets et tu m'as fait asseoir sur le bord du lit. J'étais heureuse. J'ai pu être heureuse ce jour-là. Et puis tu m'as dit que tu m'aimais. C'était il y a 10 ans. donnerait pour se débarrasser de moi. Mais comment pouvez-vous dire ça? Tu crois déjà le connaître mieux que moi? Si vous saviez comme il vous aime, comme il parle de vous. Oui. L'aimer aussi, Octave. Octave? T'as raconté? Quoi? Il s'est suicidé, Octave. Il était fou de moi. La veille du Grand Prix d'Italie, il a téléphoné à la maison. J'étais pas là. Il a supplié Milan de me dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il fallait que je choisisse entre eux. Et que si je n'allais pas le rejoindre le lendemain à Monza avant le départ, il sortirait dans le premier virage. Ce qu'il a fait. Il n'en m'avait rien dit. Mais c'est un crime. Robert est de plus en plus provocante. Milan paraît de jour en jour plus épris d'Hélène. La situation devient intenable. Où vas-tu? Prends l'air. Je ne tourne pas rond. Ça t'étonne? Pourquoi? Ça tourne jamais rond quand t'as un nouvel amour en tête. Alors couche avec elle et fous-nous la paix. Embrasse-la pour moi! Robert, malgré ses airs provocateurs, est désemparée. Elle ne sait plus très bien quelle tactique adopter. Parfois, elle s'amuse à dominer Hélène avec ses airs de supériorité et son expérience de la vie. Parfois, elle cherche à transformer la jeune fille en l'une de ces demoiselles faciles qui naguère exerçaient une si grande séduction sur Milan. Question de coiffure, de vestiaire. C'est un jeu pour Robert que de faire de la petite institutrice une autre femme. Dehors, il pleut. Il vente. À l'intérieur de la maison, c'est une autre tempête qui souffle. Nous sommes en plein romantisme. Ça va? Oui. Là. Ce sera bien, la Milan, pour travailler. Près du feu. Donc tu vas continuer longtemps à t'arranger comme ça, toi? Mais ça n'a pas d'importance. Regarde. Regarde comme tu es belle. Mais je ne pourrais jamais faire la classe comme ça. Tu la feras pas toute ta vie. À quoi bon? Si, laisse-moi faire. Pourquoi? Parce que ça m'amuse. Ils sont soyeux. Je les ai lavés ce matin. Il est nerveux, Milan, en ce moment. Le grand vent énerve tout le monde. Oui. C'est aussi de ne pas faire l'amour. Quand on vit ensemble depuis longtemps, on n'a plus envie. J'y ai déjà pensé. Enfin, Duval et moi, nous y avons pensé. Il faut se méfier de l'habitude, n'est-ce pas? Oui. Au Milan, pour lui, l'habitude, maintenant, c'est... Ce ne sont plus que les prostituées. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Il adore me raconter ses exploits. Il est probablement plus discret avec toi. Pour moi, les vrais putains, ça ne me dérange pas. Mais j'ai pas pu tolérer Juliette. Juliette? Oui, c'était ma meilleure amie. Tout le temps à la maison, elle me trouvait belle, intelligente, racée. Alors le jour où j'ai découvert qu'elle et lui... Ça n'a pas traîné. Je te le jure. Qu'est-ce que tu en dis? Et Juliette? Ben, une nuit, chez des amis, il m'a laissé. Il est parti avec elle. Et il n'est rentré que le lendemain à midi. Ben, elle a eu l'audace de revenir à la maison, quelques jours après. Il y avait plein de monde. Nous recevions beaucoup à cette époque-là. Et alors... Je l'ai fichu à la porte. Avec une paire de baffes. Devant tout le monde. Peut-être l'aimait-elle réellement. Et alors? Je peux pas l'empêcher de courir les filles, lui. Je supporterai jamais qu'on prenne mon mari. Qu'a fait Milan quand vous avez giflé Juliette? Il a crié un peu pour la forme. Pour sauver la face. Qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Probablement une putain. Elle était très douée pour ça. Et si elle l'avait vraiment aimé? Mais on n'aime pas le mari d'une autre femme. Est-ce que Milan l'a revu? Je crois pas, non. Mais je serais pas surprise qu'il m'en veuille encore de temps en temps. Attends. Je vais t'arranger les sourcils. Oh non, non. Non, si, je veux que tu sois belle. Tu peux regarder maintenant. Comment te trouves-tu? Je me fais un peu peur. Plus que jamais, tu as le regard impitoyable de la conscience. Mais pourquoi buvez-vous tant? Tu as quelque chose de mieux à me proposer maintenant que ça? Je ne veux pas que vous soyez malheureuse. Allez, je vais te voir en robe du soir. D'ailleurs, je suis pas malheureuse, tu sais. Tiens, garde celle-là. Comme elle est jolie. Bah, essaye-la. Essaye-la, quoi. Regarde-toi. Monte sur le lit, tu verras mieux. Tu es belle. Tu es gauche. Tu es charmante. Tiens, tout ce que j'ai tué, c'est une sale bête. Il ressemble aux oiseaux que je vois dans mes cauchemars. Bonsoir. J'ai appris à faire belle. T'es fâchée? Pourtant, je croyais que tu l'aimais bien, cette robe. Bon, emporte-le, ton sale oiseau! Je laisse les plumes pour habiller la gosse. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh. Je sais pas. Il est nerveux, je te l'avais dit. Il faut que je m'en aille. Tu restes pas dîner avec nous? J'ai des cahiers à corriger. Robert est maintenant comme une bête fauve en cage. Mais cette cage, c'est elle-même qui en a planté les barreaux. Elle boit de plus en plus. Et quand Milan, ce soir, rentre chez lui, Robert n'y tient plus. Passe ta vie chez elle, ça t'amuse. Mais sur vos combines qui ne plaisent pas beaucoup. Je veux pas qu'elle me prenne pour une imbécile. Pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi te cacher quelque chose? Tu n'as qu'un doigt sur moi. Parce que tu es un menteur. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu es un menteur. Ça doit être ta vilaine nature. C'est vrai, je te mens souvent. Tu le reconnais? Je te mens par pitié, pour que tu ne saches pas ce que je pense de toi. T'as pitié, toi? Mais non. Tu es méchant, comme tous les faibles. C'est vrai aussi. J'ai peur de toi. Tu es le seul être au monde dont j'ai peur. Tu reconnais donc que t'as pas le courage de m'avouer la vérité? J'ai peur de toi comme j'avais peur de l'enfer à 13 ans, quand je faisais un péché mortel. Tu me possèdes comme un confesseur. Mais t'es malade! J'ai fait ma vie avec un malade, moi. Et toutes ces histoires, parce que t'as pas le courage d'admettre que t'es allé chez Hélène pour lui dire de venir à la maison comme par hasard. Robert, tais-toi! Tu ferais mieux d'avouer la vérité. Comme tu seras malheureuse le jour où je ne te mentirai plus. La colère, c'est tout ce que t'es capable de provoquer encore chez moi. À vous, quoi? Pour Milan, Hélène représente maintenant la douceur, la gentillesse, le plaisir de vivre. Il fait avec elle de longues promenades dans la campagne. Aimiez-vous Juliette? Robert vous a raconté cette histoire. Vous l'aimiez? crois que oui. Et elle? Je crois qu'elle m'aimait. Et vous ne l'avez jamais revue après l'incident avec Robert? Non. Elle a dû souffrir. J'imagine qu'elle a souffert. Et vous n'avez pas essayé de la revoir? La lâcheté est un des aspects de la vie conjugale. Pourquoi vous êtes-vous marié? Quand nous nous sommes mariés, Robert et moi, nous avions déjà fini de flamber l'un pour l'autre. Mais elle était sans ressources. Je n'ai pas voulu qu'elle pense que je me ménageais pour un mariage bourgeois. C'est elle qui aurait dû refuser de se marier. Le mariage n'était pas dans sa ligne de vie. Elle n'a pas de métier. L'amour de la sécurité vient avec l'âge. L'un et l'autre vous dites parfois des choses monstrueuses. Et Octave? Octave? Oui, le coup de téléphone. C'est vrai. Je ne voulais pas y croire. La passion n'a pas de morale. Je vous aime. Pour Milan, la situation est également inextricable. Rester avec Robert? Il n'en est plus question. Partir avec Hélène? Ce n'est pas possible non plus. Un homme tel que lui ne saurait aimer très longtemps une fille comme cette jeune institutrice, faite assurément pour une autre vie. Une seule issue, reprendre son métier, retrouver ses voitures de course et les grandes compétitions. Sans en rien dire à Robert, il a téléphoné en Italie à son ancien directeur sportif. Oui? L'Italie? C'est toi qui as demandé l'Italie? Oui, je l'ai eu. Non, merci, mademoiselle, on l'a eu. Merci. J'ai appelé Luigi. Quand un coureur en vacances appelle son directeur sportif... Les vacances sont finies. Oh, c'est vrai? J'ai eu de la chance. Cameron vient de plaquer Ferrari. On me passe en contrat. En quelle position? La dernière. Tu ne peux pas accepter. Ils vont te refiler un mulet. Je commence l'entraînement la semaine prochaine. À Modène? Oui. J'aime bien Modène, moi. Qui te dit que je t'emmène? Oh, tu serais bien trop malheureux si t'avais personne à torturer. On va fêter ça. C'est marrant, on aurait dit que je m'en doutais, j'ai rapporté plein de trucs à manger. Robert est vaincu, mais elle se croit triomphante. Comment pourrait-elle penser un instant que Milan partira sans elle? Elle tient enfin sa vengeance. Avec quelle joie perfide et sadique va-t-elle annoncer la nouvelle à Hélène? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. J'ai tellement de travail, mon examen approche. Milan t'a pas vexé, au moins? Pourquoi? Faut pas lui en vouloir, tu sais, c'est l'équinoxe de ses 40 ans. Mais quel numéro, l'autre soir, avec son corbeau. Oh, je n'y pensais même plus. Tu viens dîner? Il faut que je rentre, Duval a dit qu'il viendrait peut-être. Ce sera pour un autre soir. Ah, bah faut pas trop tarder si tu veux dire au revoir à Milan. Au revoir. Ah, tu connais pas la nouvelle? Je croyais que les journaux l'avaient déjà annoncé. Il reprend l'entraînement chez Ferrari. Alors, on ne le verra plus guère au village? Oh, bah tu penses, il va courir tous les grands prix de la saison. En janvier, Buenos Aires, en mars, le Mexique, et en avril, Monaco. Et vous, vous partez aussi? Oh, bah moi, comme d'habitude, à la traîne. Tout juste bonne à fermer la porte au nez des journalistes et à supporter les mauvaises humeurs du héros quand il aura claqué un moteur. Faut que je rentre parce que Luigi arrive de Modène pour lui faire signer son contrat. Alors, tu viens pas? Si, je viens. Luigi, le directeur sportif de Milan, est venu au village pour chercher son poulain. Le contrat a été soigneusement étudié, tout est en règle. Quand Hélène et Robert tout à l'heure arriveront ensemble, tout sera consommé. Tu tiens tellement à cette petite? Assez pour savoir ce que je fais. Et t'as jamais couché avec? Non. Ce que j'aime en Hélène, son regard droit, sa franchise, tout ça ne tiendrait pas à vivre avec moi. Un an d'amour fou. Et 10 ans à nous haïr comme Robert et moi nous haïssons. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Ah, c'est inévitable. J'ai mis 10 ans à le comprendre. Tiens. T'es jamais en retard, toi. Ciao, Robert. La campagne voudrait ici. T'as fait beau voyage? J'ai roulé toute la nuit. Ah, il n'y a pas de minute à perdre, hein? Hélène, viens. C'est Luigi, le directeur sportif de chez Ferrari. Hélène Morel, notre seule amie au village. Chanté. Alors, tu vas dîner avec nous, puis après on va discuter de contrat. Mais c'est signé. Ah, t'as profité de ce que j'étais pas là. Et Milan a jamais su lire un contrat. Quand il a confiance dans les gens, il signe n'importe quoi. Et moi, je le connais, lui. C'est un vieux brigand. Mais cette fois-ci, Milan savait très bien ce qu'il voulait. Je n'ai même pas pu ouvrir la bouche. Ah, te voilà devenu un homme d'affaires. Tout arrive. On part quand? Hans a réuni l'équipe demain. Il aurait voulu que Milan soit là. Oh, ben, ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire les bagages, ça. Dis donc, t'as retenu des chambres à l'Albergo Real? Mais Milan préfère loger à l'hôtel d'usine. Ah non, non, non. Non, pour entendre parler vitesse et moyenne toute la journée, non. Il y habitera seul. Quoi? C'est inclus dans le contrat. Et moi? Tu restes. Tu plaisantes? Chaque mois, nous devons vous envoyer ici un tiers de son salaire. C'est dans le contrat aussi. Tu l'emmènes? Non. Je ne veux pas recommencer avec elle ce qui nous a si bien réussi à tous les deux. Milan est parti. Sans un regard pour Robert, sans un regard pour Hélène, dont la détresse pourtant le touche profondément. À quelques jours de là, on retrouve dans un étang la voiture de Robert. Madame Milan était au volant, n'ayant visiblement fait aucun effort pour échapper à la mort. L'enquête a conclu suicide. C'est à Modène, sur la piste d'entraînement du Grand Prix d'Italie, que l'on a téléphoné la nouvelle à Milan. Il n'a pas dit un mot. Ce dernier mauvais coup de Robert ne l'atteindra même pas. Eccolo, secondo me mie. Oh, Milan. Ciao, come va? Je savais que tu n'étais pas fait pour la campagne. La campagne a du bon. Beh. Non credi che sia troppo arrugginito, no? Arrugginito. Prova a dargli un po' d'olio. Brighiamoci, brighiamoci. Presto, ragazzi. Di un po'. Avete verificato e Robert? Il carburatore? Roberto è resto al villaggio. Ah, beh. Roger et Jean et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Les mauvais coups, film de François Le Terrier avec Simone Signoret dans le rôle de Robert, Reginald Kernan, Milan, Alexandra Stewart, Hélène, José-Louis de Villalonga, Prévieux, Serge Rousseau, Duval. Dialogue de Roger Vaillant, musique de Maurice Leroux, commentaire radiophonique dit par Claude Herval.